Voici votre bulletin régional. Hugo Lapointe se produit à la salle Guy Veilleux de Cook-Sheridan le 17 janvier. Le Centre des femmes La Passerelle débutera l'année 2015 avec une rencontre intitulée « Mon corps me dit, mais moi » qui se déroulera le 19 janvier à 13h30 à Bury.